Polyeucte assiste à l'exécution de son ami Néarque, puis il est jeté en prison. Voici son monologue. Source délicieuse, en misère féconde, que voulez-vous de moi, flatteuse volupté? Honteux attachement de la chair et du monde, que ne me quittez-vous quand je vous ai quitté? Allez, honneur, plaisir, qui me livrez la guerre. Toute votre félicité, sujette à l'instabilité, en moins de rien tombe par terre, et comme elle a l'éclat du verre, elle en a la fragilité. Ainsi, n'espérez pas qu'après vous je soupire, vous étalez en vain vos charmes impuissants, vous me montrez en vain par tout ce vaste empire les ennemis de Dieu, pompeux et florissants. Il étale à son tour des revers équitables, par qui les grands sont confondus, et les glaives qu'il tient pendus sur les plus fortunés coupables sont d'autant plus inévitables que leurs coups sont moins attendus. Tigre altéré de sang, décis impitoyable, ce Dieu t'a trop longtemps abandonné les siens. De ton heureux destin, vois la suite effroyable. Le Scythe va venger la Perse et les chrétiens. Encore un peu plus outre, et ton heure est venue. Rien ne t'en saurait garantir, et la foudre qui va partir, toute prête à crever la nue, ne peut plus être retenue par l'attente du repentir. Que cependant Félix m'immole à ta colère, qu'un rival plus puissant éblouisse ses yeux, qu'au dépens de ma vie, il s'en fasse beau-père, et qu'à titre d'esclave, il commande en ces lieux. Je consens, ou plutôt, j'aspire à ma ruine. Monde, pour moi tu n'as plus rien. Je porte en un cœur tout chrétien une flamme toute divine, et je ne regarde, Pauline, que comme un obstacle à mon bien. Sainte douceur du ciel, adorables idées, vous remplissez un cœur qui vous peut recevoir. De vos sacrés attraits, les âmes possédées ne conçoivent plus rien qui les puisse émouvoir. Vous promettez beaucoup et donnez davantage. Vos biens ne sont point inconstants. Et le retrait pas que j'attends ne vous sert que d'un doux passage pour vous introduire au partage qui nous rend à jamais contents. C'est vous, ô feu divin, que rien ne peut éteindre, qui m'allez faire revoir Pauline sans la craindre. Je la vois, mais mon cœur, d'un saint zèle enflammé, n'en goûte plus l'appât dont il était charmé, et mes yeux, éclairés des célestes lumières, ne trouvent plus aux siens leur grâce coutumière. Si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort ?